Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Bretagne. Ouais. J'ai juste dit la région, mais c'est bien, mais sûr que ça marche, très bien. Bonsoir, bienvenue au Flow de Cast. On est ravis, c'est notre dernière date, donc c'est très particulier pour nous. On est trop contents de faire ça. Enfin, ça s'arrête. C'est raté, c'est pas pour nous, on s'en est rendu compte, terminé. Non, on est trop contents de faire ça ici, dans un chapiteau, voilà. Qui s'appelle le même. Le même. On adore ça, donc... La première fois quand Adrien a appris qu'on allait faire ça au même, j'ai dit ah. C'est vous dire à quel point il était ravi d'être ici. Donc on est trop content d'être là. Alors c'est un floodcast en live, mais ça reste un floodcast. Donc nous allons faire ce qu'on fait d'habitude, à savoir un floodcast. Et pour ceci, on va se mettre derrière des micros. Se mettre voilà ce petit pulpit. Voilà, parti. Tout simplement, ça commence. Ça commence immédiatement sans plus attendre. Je vais goûter l'eau de Rennes. Alors hier on a bu, ouais. L'eau de Nantes était infâme. Et on dit pas ça pour vous mettre dans notre poche, genre les Nantais. Non, vraiment, elle était atroce. J'ai failli dire, non, ça va. Par rapport à Nantes, tout est excellent. Je parle de l'eau, hein, la ville. Ouais, l'eau était de la pisse, tout réellement. Donc oui, c'est un floodcast, mais vous savez, les floodcasts, on n'est pas tout seul. Enfin, ça arrive, mais quand... On ne fait que tous les deux, oui. Mais souvent, personne ne les écoute. Ou alors, je parle de Jurassic Park, bon, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc là, pour le coup, on a des invités. Et notre première invitée, elle est autrice, humoriste et maîtrise l'art subtil de se faire couper la parole par Nagui. Ses chroniques chez France Inter font des milliers de vues. Elle reprend son spectacle à l'Européen le 12 octobre. C'est Morgane Cadignan ! C'est Morgane Cadignan ! Tu seras aussi à Nantes le 9 février, je le dis, parce que voilà, on est quand même dans l'Ouest. Mieux que moi. Amène une bouteille d'eau. Ah ouais. Parce que l'eau est infâme. Ouais. Merci d'être venu. Avec plaisir, merci de m'avoir invité. Un véritable bonheur. Mais tu n'es pas la seule invitée. Mais non. Il est comédien, auteur et humoriste. Il a rejoint Patrick Sébastien, Philippe Lucas et Sébastien Coé au Hall of Suze des plus grands beaufs de France. Il joue toutes ses dernières dates à Lyon, Tours et Genève pour la fin d'année. C'est Benjamin Tranier. Sublime. Merci. Merci Benjamin d'être venu. Je suis un peu déçu parce que t'as oublié de dire que j'ai fait 8 podcasts qui n'ont jamais été enregistrés. Ouais, c'est vrai. Ah, ça, je suis quand même un peu déçu. Du coup, je suis pas venu les mains vides. J'ai un peu fait une ambiance c'est à vous. Oui, un petit cadeau. J'ai un petit cadeau pour toi, Adrien. Il y a un emballage dans un emballage. Ah, on ne s'est pas prévu. Hein. Morgane, je lui ai offert un flan dans le train. Ah, sympa. Déjà, c'est malheureusement pas une métaphore. Il arrive un flan. Waouh, ouais. C'est un rat crevé. C'est chelou. Ouais. Ah, c'est une sauce piquante. Voilà, originale. Incroyable. Et. Ouais, Suze-boule, oui. Alors là, je fais bien comme je veux. Et du coup, toi, pour toi, Florian, Flaubert. Florent, t'inquiète. Florent, pardon. Christophe. C'est un t-shirt avec ton prénom, mais il y a marqué ça, Florian. Pardon. C'est l'émotion de vous voir en vrai. Je t'ai ramené une carte SD. Comme ça. Ça buggera plus. Ah oui, bah c'est gentil, merci beaucoup. Voilà, ça me fait plaisir. J'ai enregistré 8 heures d'émission où je parle un peu de moi, et voilà. Ouais. Oui, ça, on peut t'intercaler, c'est des bouts de phrases où tu fais oui, bien sûr. Ouais. Le sperme, bien sûr. Donc, on va faire un jeu tout ensemble. Merci vraiment d'avoir accepté l'invitation. Donc, c'est le jeu du floodcast. Donc, on fait des news un peu insolites. Donc, on va lancer tout simplement le jean. Alors, ouais. Si vous écoutez le floodcast, vous savez que Florent a une. Florent. C'est pas facile, hein? Ouais, non, c'est Florent. Je crois, hein? Ouais, appelez-moi Jules Fou, et puis on n'en parle plus. Bon, le quatrième sur I4. tu t'es souvenu que j'étais un sur I4, ce qui est le cas de peu de gens. Avait fait un jingle pour le jeu des news du Floodcast. Un jingle plutôt apprécié des gens. Ah, oh. Ah. C'est pas moi qui l'ai dit. Non. Parce que Florent a décidé que je l'avais, que je le détestais. Apparemment, mon visage m'avait trahi parce que j'avais rien dit. Donc du coup, ce visage étant, j'ai vomi littéralement. Mais du coup, il a supprimé ce jingle et il m'a dit pour la tournée, sale chauve de merde infâme. C'est ses termes. Hein. T'as qu'à en faire un de jingle, toi qui es si malin et qui maîtrise l'art de la musique assistée par ordinateur, la MAO comme on dit. Bah qui est un terme que je connais parfaitement. Bien sûr. Que, voilà. Et je lui ai dit, eh ben, je vais pas en faire un, je vais en faire sept, je vais en faire un par date, comme ça tu seras bien surpris à chaque fois. Tu m'as feinté. Voilà, et du coup, on va écouter le dernier jingle le dernier. De la tournée, le dernier jingle des news du Floodcast. Soyez pas on va faire beaucoup de derniers trucs, hein. C'est la dernière, ah ouais, ouais. Soyez pas comme... Voilà, il est... Ah. Les news du Floodcast. Party all night long. Non mais stop, stop. Donnez-moi de l'essence, je veux sniffer là. Alors, il vient d'être coupé en plein milieu. Le film, malheureusement. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Si. Ah merde, mon pot. Un fiasco. Moi, mais bon, écoutez, on a vibé, c'est l'essentiel finalement. Peut-être, parce que là, ils sont ivres morts. Peut-être à la fin, quand ça va remonter un peu plus, on la remettra, on jettera les chaises pliantes, voilà, on brûlera le même, voilà. Ouais. On fera ça entre nous. Je déconne. Calme-toi direct. Donc, le jeu du Floodcast, écoutez, un prêtre a été condamné à 18 mois de travail. Aïe. Non, non, non. Ok. Non, mais bon. Non, non. Tout le monde y a pensé, on va pas se mentir. Oui, oui. De travaux d'intérêt généraux, car il a été surpris pendant un acte assez gênant. Donc, toujours bon, pas. Toujours pas ça. Non, non, toujours pas. À votre avis, lequel? Non, non, non, pas. Ouais. Faut crever l'abcès. Ouais. Non, allez, on va pas le dire. Non, mais par contre. Les ingots. Non, non, ouais, on va... hein. Non, non. C'est le jingle. Non, c'est quoi? Il s'est relancé. Là, ça va être juste baiser un gosse. Ouais, non. Ce n'est pas baiser un gosse. Alors, il a fait un TikTok. Pas TikTok. Mais un truc en rapport avec les réseaux sociaux? Non. Il a fait est-ce la que... danse de... Non, pardon, vas-y, je t'en supplie. Non, non, j'en sais rien. Est-ce que pour un baptême, il a circoncis un enfant, ce qui n'est pas bonne chose? Ce qui n'est pas la bonne religion. Je me suis planté, là. Je suis chrétien, bordel. Oh, j'ai chié. Attendez, excusez-moi. Mais non, je n'ai pas de papillote. Oh, je suis... Oh, le con. À chaque fois. Hein. Donc non, il ne s'est pas trompé. Il a circoncis personne. Mais c'était un acte embarrassant, tu dis. Ah, c'est très attends, embarrassant. Il a été condamné, t'as dit? Il était condamné, ouais, ah, ouais, ouais. C'est quand même un branlé. Truc. Alors, il y a une branlette. Ah, ah, mais pas de lui-même. Si, c'est de lui-même. Pendant, dans le confessionnal. Bah, c'est ses termes à lui, hein. Oh là, courte manche. non, il, non, non, alors il s'est pas branlé dans le confessionnal. Dans l'eau bénite? Non. Ouais, pour le baptême, le baptême. Le c'est bat-ra. Comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on fait. Chacun sa jeunesse. C'est comme ça. Non, non, c'est, il s'est pas branlé. Branlé dans l'eau bénite, peut-être déjà le titre. Malheureusement, bien sûr, bien sûr. Il s'est branlé devant des gens en public? Alors non, ça devait être normalement privé. Il a... Ah, après un zoom, il a oublié de couper la caméra, il s'est branlé. Non, c'est pas un ça. Un zoom 4T. Bah ouais. Il faisait un petit brief de ce qu'il allait dire pendant la messe. Elle fait « Allez, salut, à ce soir !» Ouais, bon, il y a deux écoles. Ouais. Moi, c'était un petit peu plus virevoltant. Toi, c'était une bête sauvage. Non, c'est pas ça. C'est pas sa webcam, genre, qui était restée allumée. Et... Non, non, non. Non, non, c'est pas ça. Il n'y a pas de gosse. Non. Vraiment. OK. Ah si, pardon. Non, non, non. Non, non, non, il s'est masturbé avec effectivement un outil, un objet qui n'est pas en lien avec le champ lexical. Pardon ? Alors, ginette, une vaginette, non, vaginette. Ce n'est pas le cas. Un truc religieux, genre le... Non, justement, c'est pas un truc religieux. Le Graal ou... Non, non, le Graal. Bah, cela dit, il l'a trouvé, donc bravo. C'est très depuis tout ce temps. Le Graal. Les chrétiens ne payent pas en écu, hein, madame. Mais si. Dans une guillotine, je sais pas. C'est un objet du quotidien ? Oui, vraiment. On en a un à la maison? Oui, nous tous. Nous tous. Beaucoup de gens dans le public aussi, je pense. Sur eux? Non. Dans leur salon. Dans le cul? Non. Okay. Dans leur salon ou dans leur cuisine. Un frigo, il a mis sa bite dans la porte du frigo? Non. T'as un, t'as un frigo dans le salon. J'invente, hein. Ah ouais. J'ai jamais fait ça. Non, ça. C'est pas un être vivant, ouais, non. Non, non, non, c'est vraiment un objet du quotidien. Une louche? Non. Un paquet de Pringles? Non. Ça se mange? Est-ce que ça se mange? Non, ça se mange pas. D'accord. C'est un objet qui est dans le salon? Il peut être dans le salon. Le mien est dans le salon. Le mien est accroché au salon. Ah, au non, mur du salon. À un mur du salon. Je connais. Et il s'en est servi pour le mettre à l'intérieur. Oui. Ouais. Pensez à un attrape-rien. Oui, effectivement, peut-être un aspirateur. Très bonne réponse. Très, ouais, très bonne réponse. Par contre, prenez pas trop la conf à dire les réponses à toi, sinon l'émission va durer 20 minutes, malheureusement. Oui, et en plus, malheureusement, les gens qui réécoutent l'émission ne vous entendent pas. Donc, ils vont juste faire bah, à qui il parle. Mais à quel moment l'info est sortie Alors, mais justement. Surtout, comment l'ont-ils surpris? Dans son bureau de l'église baptiste de Middleton Cheney, au centre de l'Angleterre, l'homme appelé Jeff le curé, travaillait alors comme directeur pastoral. C'est justement le jour d'un colloque sur le syndrome d'Asperger qu'un fidèle a eu le malheur d'entrer. Un détail qui n'a rien avec l'histoire, mais qui rajoute du glauque. Asperger, l'aspirateur. Bon, j'étais à trois lettres. C'est sa ligne de défense. Ah, c'était Asperger, pardon. Mais parce, c'est rien, que, mais parce que vous vouliez vous branler dans Asperger. Ouais, non. Donc oui, un fidèle a eu le malheur d'entrer dans le bureau de Jeff, découvrant ainsi le terrible poteau rose. Comme le témoin a dit, bon, il passe l'aspirateur, je peux rentrer, aucun problème. Jeff, 74 ans, était nu à l'exception d'une paire de chaussettes. Bah attends, à cet âge-là, t'as froid aux pieds. Hein. Ouais. Debout entre deux chaises, à l'intérieur. C'est le grand écart, malheureusement. Genre c'était Vandame. Ouais. C'était le curé Vandame. Mais il n'a pas mis sa teub dans un aspirateur. Enfin, c'est pas un Dyson, sinon le pauvre. Parce que non, bah... la vitesse d'aspiration du Dyson. Attention. Il serait plus de ce monde. Il a un c'est Dyson. C'est ce petit sans. Aspirateur très mignon. Oh, mais oui, Henri. C'est l'aspirateur Henri. Le prêtre aurait remarqué la présence de l'intrus, ce qui ne l'aurait pas empêché de continuer son affaire, et c'est là que le bât blesse. Après, si je peux me permettre... Il est hyper excitant. Oui. Hein, ouais. Ah, il a un petit il sourire. Il chauffe de ouf, il chauffe. Son sourire, c'est l'emoji avec le sourire sur le côté, là, genre... Hein. Ouais, grave. Ma puissance d'aspiration est pas dégueu. Oh, si excusez-moi, on blâme la victime. Excusez-moi. Qui te dit qu'il était consentant, cet aspirateur? Il en a l'air, c'est vrai. Henri de sang. Le prêtre aurait même remarqué la présence de l'intrus, donc c'est ce que je dis, il n'a pas bougé sa justification, il se sentait alors trop coquin pour s'arrêter, ce qui n'est pas une bonne défense. Attends, j'ai raté un truc, de quoi? Le gars est rentré, et il a pas fait « Oh, pardon !» Il a fait « Oui, c'est vrai. » Et j'adore cet aplomb, moi. Je suis curé, en fait. Et donc il a dit, bah, il se sentait trop coquin pour s'arrêter. Donc, trop coquin? Trop coquin. Bah, comme l'aspirateur. Il est coquin. Ah. Moi, quand je suis trop coquin, je peux pas m'arrêter. Ouais. Je suis désolé, je suis trop coquin. Pardon. Vraiment, j'adore cette ligne de défense. Elle est incroyable. Elle est pas mal. S'il y a jurisprudence, ça peut être dramatique pour l'humanité, mais... L'humanité n'a pas besoin de cette jurisprudence. L'homme d'église a finalement été condamné le 13 juillet par le tribunal de première instance pour exhibition sexuelle. Il devra effectuer 18 mois de travail d'intérêt généraux et s'acquitter de 2 amendes. Du ménage, j'imagine. Ouais. Swiffer. Allez. Non, le balai. Tu ne touches plus à ça. Il a malheureusement un Swiffer dans le cul à l'heure où on parle, c'est sûr et certain. Sur TikTok, une Britannique a posté une vidéo d'une famille de Français qui gruge à Disneyland. À votre avis, comment ont-ils grugé? Qu'est-ce qu'il Tu l'as vu passer, Morgane? Ah, non. J'ai une idée. Vas-y. Est-ce qu'elle s'est fait passer pour une femme enceinte? Non. Handicapée? Non. Bon. Bon. Ça peut pas être moi, alors. Ouf. Pardon, vas-y, je t'en prie. Répète. Et alors, c'est quel... Non, bah, c'est pour dire ça. sur TikTok. J'étais encore sur l'aspirateur, vas-y. T'avais encore le petit sourire. Ouais. Sur TikTok, une Britannique a posté une vidéo d'une famille de Français qui gruge à Disneyland. Ok. Donc, faut trouver un peu déjà la façon dans laquelle ils ont grugé. Jamais allé à Disneyland. Ils ont menti sur leur nombre d'enfants pour avoir un tarif réduit. Alors non, mais tu n'es pas loin, car ils se sont fait passer pour des enfants. Bah. Non, mais on n'est pas loin. Ah ah. C'est très près. Ils ont mis leurs enfants sur les épaules de l'autre avec un long manteau pour faire croire qu'ils avaient la taille. Ils avaient une moustache. Oui, j'ai 45 ans. Je vais faire le Space Mountain. Alors non, vous êtes vraiment pas loin. Je vais vous l'accorder parce que sinon c'est voilà. Mais ils ont mis un enfant. De assez âgé dans un sac dans une poussette en faisant croire que c'était un nouveau-né parce qu'en fait c'est gratuit en dessous de 3 ans à Disneyland. Donc il y a la vidéo qui est ici, Il n'y a pas le son, mais vous allez voir. Donc là, comme ça, le subterfuge... L'enfant de 16 ans. Ah, c'est Esther, quoi. Le subterfuge est excellent. Mais vous là, on voit rien pour l'instant. Non, mais là, pour le moment. Ah, parce que la meuf a donc harcelé. Non, regarde, tu vois, bon là, on connaît cette technique de oui, bon voilà, et en fait, l'enfant est grand, tu vois, l'enfant n'a pas 3 ans. Oh, ça va, je m'attendais à un subtil, ado. Ouais, on dirait une vidéo de Rémi Gaillard, là, ce que et voilà comment j'ai grugé au McDo pendant 7 ans. En faisant croire à tout le monde que j'étais un hibou. Putain, bien joué, pas mal. Il est fort, ce Rémi, putain. Est-ce que vous êtes un peu des moi, pour le coup, Disneyland, j'ai beaucoup grugé avec ma famille. Il y avait un peu le concept de bah, c'est 96€ l'entrée, un truc comme ça. Ah ouais. Et le truc, ouais, non, c'est très très cher Disneyland. Ah, et nous, le truc qu'on faisait, c'est à l'hôtel, on dormait à l'hôtel de Disneyland. Ça va, on se fait pas chier quand même. Ouais. Il y a eu un ouais là-bas. Nous, on était pauvres, on dormait à l'hôtel de Disneyland. Quand même. Ouais. Mais non, mais parce que c'était nos seules vacances. Et, ouais, c'est ça. Voilà. Et je buvais l'eau de pluie. Ça a été hué par une personne. Une personne. Ça a eu très facile. Et moi, que moi d'ailleurs, depuis le début. Non, mais et donc mon père allait faire le check-in et il disait tout le temps bah, je suis seul avec ma femme. Et il nous disait allez jouer loin, vous. Allez, voilà. Ah, il faisait semblant que vous n'étiez pas là. Non, il faisait comme si on n'existait pas. Ce qu'il a fait pas mal de fois dans sa vie, d'ailleurs, plus ou moins. Et on dormait à quatre dans le grand lit de l'hôtel. Comme ça, on grugeait un peu Disneyland. Ouais, ok. Ah oui. C'est moins luxueux tout de suite. Un petit peu. Dormir à quatre dans le lit, ouais. Et toi, Morgane, t'as déjà grugé un petit peu? Ouais, moi, je fais régulièrement semblant d'être enceinte. Non, et une fois, je faisais du stop il y a 10 ans. Ah ouais, pardon. Non, je faisais du stop il y a 10 ans à Majorque avec une pote et personne nous prenait. On avait loupé la dernière navette pour aller de la plage à l'hôtel. Donc j'ai vraiment bien féqué la démarche et j'avais bien mangé et tout, quoi. Donc ça allait. Tu l'as cassé la démarche? Oui, Samuel, il me dit. Ouais, d'accord. Et je me tenais le dos et tout. Et il y a un mec qui nous prend en jeep et ok, trop cool. J'en fais des tonnes en montant dans le bordel. Et il y avait sa femme enceinte de 4 mois, quoi. À l'arrière, qui m'a vraiment posé 1700 questions pendant l'heure et demie de route sur le déroulement de ma grossesse, alors que j'avais vraiment une grosse cartouche de clopasse dans mon sac. Oui, t'as fait. Ouais. Oui, t'as fait. Bah, vous savez ce que c'est, être enceinte, c'est dans un chou. Oh, je suis nul, je sais pas. Non, mais elle m'a posé une tonne de questions, de trimestres, de trucs, je comprenais rien. Oui, mais c'est très compliqué. Je pense qu'elle m'a cramé. Mais c'est pas grave, je suis rentrée. Une femme a voulu se venger de son ex. Mais quelque chose a foiré et elle a été inculpée. À votre avis, que s'est-il passé? Elle est morte. Alors qu'elle était enceinte. Ouais. Non, c'est pas ça. Est-il mort? Y a-t-il eu un décès? Personne n'est décédé. Un blessé? Aucun décès, aucun aspirateur abusé, vraiment. Elle a cassé. Un rapport avec une ex à lui aussi ou... Non, non, non, c'est vraiment. Alors lui en vrai, n'a pas grand-chose à voir avec l'histoire. C'est vraiment elle qui a merdé. Et alors attends, elle a merdé et du coup on cherche la façon de... Oui, comment elle a merdé? Via laquelle elle s'est fait griller en fait? Oui, exactement. Ok. Elle a été filmée? Non. Elle a laissé ses empreintes? Non, non, non, elle s'est fait... Alors si elle s'est fait griller, c'est de manière très conne, hein, c'est pas... Elle a fait une story? Non. Je sais pas, ça non, arrive, non, elle s'est pas fait griller arrivé, de son plein arrivé. Gré, elle pensait que c'était nickel, et en vrai, je vais vous raconter l'histoire. Ah, est-ce qu'elle a... Pardon, est-ce que c'est pas genre... elle avait les clés de son ancien appart, elle est rentrée, et le mec a dit, bah, personne d'autre n'a les clés à part mon ex. Un truc comme ça, non? T'es champion de Cluedo, toi, j'ai l'impression. Peu, ouais. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est malheureusement pas ça. Champion comme quoi. C'est un compliment pour ensuite te dire non. Ouais, ouais. Ouais. Non, elle a pas badgé, genre elle a pas utilisé un badge magnétique et du coup il y a son nom littéralement. Mais tu tues des gens toi là. Alors en l'occurrence. Slammer. Non, mais en l'occurrence, il ne tue personne. Mais en l'occurrence, on est allé faire une date à Toulouse et Adrien m'a montré un objet à lui pour enlever toutes ses empreintes. Pour oublier, pour effacer la mémoire des gens. C'est, pardon. J'ai donné un Kickstarter il y a 2 ans pour un appareil de hacker qui permet de copier des signaux. Par exemple, j'ai copié le bip de la grille de chez ma sœur. Et avec cet appareil, je peux ouvrir le bip de chez ma sœur. Ah. Et je peux cambrioler le casino barrière maintenant si je veux. Parce que il y avait vraiment un système de sécurité. Fallait donner sa carte d'identité, il nous filait un badge et tout. Et moi, j'ai juste copié le badge et je pouvais ouvrir les portes avec. Il a pu faire ça. Si quelqu'un veut faire un casse avec moi, 50-50. Il a fait ça et truqué les élections grâce à ce badge. C'est tout ce qu'il a. C'est les deux trucs qu'il a réussi à faire. Voilà. Donc, non, cette femme, elle a. Franchement, son plan était pas mal. Mais il y a un truc qu'elle a merdé, ce qui fait que malheureusement tout tombe à l'eau. Donc, attends, elle voulait se venger de son ex. Ouais. En allant à son domicile Exactement. Mais justement, on est là-dessus. Il y a un délire de GPS dans la voiture ou un truc comme ça. Un objet connecté. Un non. petit excès de vitesse qui fait qu'elle a été flashée. Non, c'est pas ça. C'est pas une histoire de photo. De... C'est vraiment très con. C'est vraiment un manque de bol. Elle a sonné, le mec a ouvert, elle a fait merde. C'est pas ça qu'il fallait que je fasse. C'était rentrer par la fenêtre. Quelle tête de linotte. Oh, vous êtes tellement une tête de linotte, vous êtes acquitté. Alors là, vraiment. Allez, vous êtes trop coquin. Et donc c'est en se, est-ce que c'est en se rendant à son domicile qu'elle ouais. a fait une bourde? Bah t'es dessus, on est sur l'histoire du domicile. Elle a eu un accident? Non. Elle a pris un Uber. Elle a croisé quelqu'un à part son mec. Non, un voisin. Elle a pris un Uber. Non. C'est sur le moyen de locomotion? Non. Je vais vous le dire, c'est vraiment très très. Oh, Mais non, mais oui. Non, bah donne-moi un indice. On va trouver. Ouais. C'est autour du périmètre de la maison. C'est vraiment à quelques mètres animal, de la maison. Un chien. Non, vous êtes vraiment dessus. C'est en rapport vraiment avec la maison. Pensez au. Une caméra ça. De. Non, pas de Elle caméra. Elle s'est trompée de maison. Très bonne réponse, Adrien Méniel. Tu vois. Faut lui laisser 2-3 minutes. Mais c'est parce que je t'ai mis une petite pression et là d'un coup, toi, tu marches comme ça. Elle est quand même sacrément con. Hein. Ah oui. Ouais. Ouais. Alors, Florent dit, c'est ça la réponse. Et en fait, c'est pas vraiment ça la réponse, mais c'est juste qu'il veut passer à la question suivante. Donc on va voir. Je pense que c'est vraiment ouais. J'ai hâte. Mais ça va se vérifier maintenant. Oui, vas-y. C'est ça. C'est-à-dire que les gens vont tout de suite le voir. Mais non, c'est vraiment ça. Mais je vais vous raconter vraiment toute l'histoire parce que vraiment, c'est une mastermind. Je t'oublierai pas. À la merde. Vers 7h du matin, un homme a été alerté par un voisin. Il l'a averti qu'une femme semblait vouloir mettre le feu à sa maison. Alors, c'est une grosse vengeance, hein, attention, hein, c'est pas, la vengeance de Morsaï, plus ou moins, en termes de niveau de vengeance. Il y a eu une petite les gens l'ont eu un peu, je suis content. Je n'étais pas sûr que la rêve passe. Il a couru dehors et a constaté un départ de feu sur son porche où des morceaux de bois brûlaient à côté d'une réserve de propane. Ah oui, ah d'accord, ouais. C'était GTA donc. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Elle avait les 5 étoiles hein, d'ailleurs. Mais... Un produit accélérant avait été dispersé tout autour du propane. L'homme était chargé son tuyau d'arrosage, mais il n'a pas fonctionné. Il avait été saboté, bouché avec de la colle forte. Là, oui, là, c'est... Ouais. Vraiment. Elle voulait le tuer quoi. Oui, vraiment, c'est une tentative d'assassinat. Il a repéré une femme qui regardait la scène debout près de sa voiture qui bloquait l'allée. Perché sur une citadelle, accroupie comme ça. Suite à son nom. Je suis la vengeance. En train de caresser un chat. la femme s'est contentée. Alors oui, là, il a repéré une femme. Nanana, la femme s'est contentée de marmonner puis a filé lorsque les pompiers et les policiers sont arrivés. Sa plaque minéralogique a cependant été révélée et elle a rapidement été identifiée et arrêtée. Il s'agit de Chris Louise Jones, 49 ans. Elle a été incarcérée, inculpée d'incendie criminel et risque plusieurs années de prison. Un témoin a déclaré aux policiers qu'un ancien petit ami de l'accusé avait une maison dans la région et que la quadragénaire s'était simplement trompée de cible. Ah oui, et c'est même pas la maison à côté quoi. C'est, y a c'est une dans la maison, région. Ouais. Ouais. Dans le pays. Ah oui. Oh, c'est pas loin. Ouais. Au pire, ça le fera flipper. Ça lui foutra les glandes au pire. Ça va brûler jusque là-bas. C'est... Oh, le propane, ça fout. Ça va prendre. Mais c'est fou de faire un plan aussi élaboré et juste d'omettre ce détail qui est la maison. C'est fou quoi. Ça fait. Ah, mais je suis nul en chiffres aussi. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous êtes déjà vous avez déjà brûlé un mec? Non, est-ce que vous êtes déjà vengé de quelqu'un? Est-ce que vous êtes déjà habité un petit peu par l'esprit de vengeance? C'est pas vraiment une ça fait vraiment une phrase de mec qui a des pierres d'énergie. C'est une vengeance sur la vie. Oh waouh. Sale merde. Ah, j'avais envie de me goumer. Non, en fait, moi au lycée, j'ai toujours eu ces chicots-là depuis que je suis né, quoi. Ouais. Et donc, arrivé au lycée, c'est le moment où ça sert des gonzesses. Bon, toujours pas. Ouais. Je faisais de la clarinette pendant que les autres faisaient de la guitare, donc déjà, j'avais moins de chance que les autres. Et du coup, je décide d'aller chez le dentiste pour me refaire les chicots. Une bagnole. ma mère me dit, c'est vraiment une Mercedes, là. Est-ce que tu veux vraiment refaire tes dents? Bon, il y avait vraiment beaucoup de travail. Il fallait m'en enlever deux. Donc, tout ce qui me restait pour tout refaire, quoi. Un turc, quoi, j'allais devenir, quoi. Et du coup, je me dis, bon, il faut que je réfléchisse. C'est quand même beaucoup d'argent vis-à-vis quand même de mes parents. Et arrivé, je retourne au lycée, et genre peut-être 3 semaines plus tard, je sors, je suis sorti avec elle pendant l'année qui restait, avec la plus jolie du lycée. Allez oh là là. Et je ressemble à Gollum pour toute ma vie. Ah, ça s'est fini 6 mois plus tard, mais du coup, j'ai pas refait mes chicots, c'était trop tard. Voilà. Voilà, c'est un peu une revanche sur la vie. Ça m'a gagné, j'ai eu gagné confiance en moi. Ça finit par une petite victoire. Voilà, c'est ça. C'est moi, j'ai une histoire un peu similaire de vengeance sur je plais pas aux femmes, ouais. Mais qui a moins bien fini. Un incel, malheureusement. j'ai tout simplement essayé de tuer le Batman. Voilà, tout simplement. Non, en gros, j'étais très amoureux d'une fille au collège. Et évidemment, bon, moi, j'avais même pas l'excuse des chicots. C'était juste nul. Tout était vraiment un fiasco. Et un peu plus tard, dans ma vie, ça y est, je commence à marcher un peu sur Internet. Et là, bon, le melon tout de suite, le paradis du fruit dans ma tête. Je reviens à Dijon. Et du coup, enfin, Dijon, donc là, la région où je vivais. Et j'envoie un petit texto. On était encore amis Facebook. Ah, bah, je suis dans la région. Ça te dit qu'on prenne un café. Un verre et tout. Et donc, on raconte nos vies. Et je vais peut-être faire un programme court avec le rappeur Aurel San. Tu connais un peu. Bon, je me dis, ça va envoyer un petit peu des paillettes dans les yeux, à la manière d'Inès Reg, peut-être. Et non, vraiment, là, elle m'a dit, ah, super, super, super. Et donc, à un moment, je fais, et tout le truc, c'était, elle me parlait que des moments où j'ai été horrible adolescent. Elle fait, ah oui, quand t'étais jeune et tout, que tu te mettais pas de déo, genre, ça va, vraiment, c'est fou. Ce qui était vrai, hein, c'était vraiment catastrophique. Et en fait, elle n'a fait que me rappeler à quel point je l'avais dégoûté. J'étais genre, ouais. Aurel San, hein ? Oui, mais tu puais. Bon, c'est... vraiment, essayons. Merde, dur. Donc, il n'y a, par contre, aucune revanche sur la vie, là. Non, c'est terminé. Oui. Tu l'as pas épousé derrière. Elle est super, son anecdote. Ce n'est pas la mère de mon enfant. Non, non, bien sûr. Non. Encore aujourd'hui, mon texto, tu pues toujours. C'est vraiment, on est à ce niveau-là. Tu l'as bloqué de tous les réseaux parce qu'elle te harcèle à ce sujet. Eh, cheveux gras. Oui, ça va, maintenant. Toi, Morgane, t'as déjà eu un truc de... Ouais, mais c'est pas hyper drôle. Aïe. Non, mais c'est une vraie vengeance. J'avais une meilleure copine au collège. Et j'étais un peu seule, j'étais fille unique, j'avais pas trop de potes, socialement c'était compliqué. Et elle venait souvent dormir chez moi et je pars en vacances avec ma mère. On revient 2 semaines après et on se rend compte que quelqu'un a vandalisé le garage, a pété toutes les vitres, crevé les pneus de toutes les bagnoles, de tous les vélos, foutu, enfin tout pété dedans, essayé de brûler le machin. Et on a découvert que c'était elle. Après une enquête de police, qui avait volé en venant dormir chez moi les clés de mon garage en pensant voler les clés de la maison. Donc heureusement, et ma mère m'a interdit de la revoir, je l'ai plus jamais revue et je l'ai recroisée 3 ans après sur le parking du lycée. Elle était au lycée professionnel. Et non, mais tout le monde était autour. Et moi, j'avais plus de potes 3 ans après. J'étais un peu la cheerleader. Un peu la cheerleader, quoi. Tu sortais avec un quarterback à l'époque. Ah, ouais, exactement. J'ai toujours son blouson. c'est pas totalement. Il s'en dedans. Non, et du coup, j'avais vraiment 45 personnes autour de moi. Romain Gavras, tape là, défonce-la. Et là où l'histoire est quand même un peu jolie, c'est que je l'ai éclaté. Bien la morale, c'est bien. Elle a quand même fait 4 jours d'hôpital. Je l'ai éclaté, les autres se sont chauffés, c'est pas bien, faut pas le faire. Non, on n'a pas applaudi. Tous les gens qui applaudissent, il faut genre. Non, on a applaudi. Elle est morte. Non, pas du tout. Quelques personnes problématiques dans la salle tout de suite. Ils continuent de dire ouais. Je commence à flipper, mais voilà, bon après. Voilà. Mais je comprends. Tes parents ont dit quoi quand tu lui as éclaté la gueule? Ils ont dit... Là où ma mère a été incroyable, c'est que la mère de la gamine a appelé en disant « elle lui a pété le nez, machin, elle avait une côte fêlée. » Enfin, on te la pète pas non plus. Excusez-moi, Morgane rajoute une info. Dans 5 minutes, elle fait, parce que bon, là, bon, elle est morte, hein, évidemment. Ouais. Elle n'a jamais pu remarcher. et sa mère a appelé ma mère en disant « je vais porter plainte pour coups et blessures. » Et ma mère a dit « il y a 3 ans, j'ai pas porté plainte. » Oh. Voilà. Et ça s'est terminé là. Donc c'est très mafieux. Ouais. Alors vraiment, j'ai grandi à côté de 3, donc c'était nul. C'était un échange sur des téléphones fixes, tu vois. C'était pas bien du tout. C'est génial. J'imagine vraiment sur le parking du Leclerc, disant « on en reste là, on en reste là, n'allons pas plus loin. » Sur le parking du Lulu Castagnette. Ah non, moi j'aime. Mais là, tu t'es battu. C'est la seule fois de ma vie où je me suis. Ah ouais. Et t'as gagné. Allez. Ah ouais, stylé. Bien joué. Tu t'es battu toi à l'école? Moi? T'es battu, ouais. Mec, j'ai des dents, c'est des carambars, je peux pas faire ça. Mais je les perds, j'ai déjà perdu 2 dents en mangeant du nougat. Donc, tu me bats pas, hein. Je sais pas. Pour des raisons d'âme. Mercedes, donc non. Je cours. Adrien, une anecdote? Non, c'est juste un truc, c'est pas vraiment une vengeance, mais c'est juste que il y a, c'est toi qui m'as montré parce que j'ai plus Twitter, il y a quelqu'un qui se lance dans le podcast et qui a fait un tweet en disant « Oh là là, quand je vois le nombre d'écoutes que fait le Floodcast, eh ben, on se sent tout petit et tout. » Et cette personne, c'est le qui avait chié sur la série Groom. Eh ben, chère. Voilà, c'est une petite vengeance. C'est une petite vengeance. Tu m'as surpris. Mais oui, c'est vrai, c'est une petite vengeance. On donnerait peut-être son arrobase pour que tout le monde lui envoie un petit message. On embrasse. On embrasse, bien sûr. Attends, on va bien se marrer là-haut avec Coluche et des proches. une petite fille a survécu à l'attaque d'un animal et encore plus fou, elle l'a buté. À votre avis, que s'est-il passé? Un singe? C'est pas un singe. Un chien? Ce n'est pas un chien. Non, là, un ours. Je savais que tu quittais la salle. Non, j'aurais été trop beaucoup trop triste. Pas un ours, pas un requin. Un quadrupède? Ce n'est pas un quadrupède. C'est vraiment un enfant de 6 ans. Donc un requin, ce serait vraiment un enfant vénère. Un enfant de 6 ans? Ou alors oui, un enfant à qui on a vandalisé le garage. Peut-être, mais... Un serpent? Très bonne réponse d'Adrien Méniel. Alors, à ton avis, comment elle l'a buté? Elle l'a mordu. Ouais, c'est ça, exactement. Les fesses se sont dorisées. La violence, on est lié par la violence. Elle a mordu. Les fesses sont déroulées mercredi 10 août dans le jardin d'une maison familiale à l'est de la Turquie. Des voisins alertés par les cris sont arrivés pour porter secours à la victime. Ils l'ont découverte avec un serpent de 30 cm dans la bouche. Il est apparu que la petite fille avait été mordue à la lèvre par le serpent et en réponse, elle a planté ses dents dans la chair de l'animal. Oh, le journalisme. Et donnant. Ah ouais, donnant. Toi, tu pourrais pas, du coup, mais... Non. Bah, il passerait entre, tu sais, le serpent. Merde, j'arrive pas à le mordre, je comprends. Le voisinage a prodigué les premiers soins, la petite fille va très bien, mais l'animal est décédé. Ah là là. Bah, bien joué, hein, de sa part. Est-ce que vous, quand vous étiez enfant, à la manière de cette petite fille qui a mangé un serpent, est-ce que vous avez vécu un truc un peu vénère, un peu traumatisant Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 € remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Passer à côté de la mort, tu veux dire? Oui, voilà, un truc marquant, tu vois. Alors, je m'en rappelle pas parce que j'étais vraiment très petit, j'avais genre 2 ans, je crois. Enfin, je marchais à peine. Et juste pourtant, c'est bizarre que tu t'en souviennes pas. Je me souviens que tu es un zèbre. Ouais, ouais. Vraiment, ta mémoire, enfin, je sais pas. Je fais de la place pour des théorèmes. L'HPXC. Ouais. Non, et on rentrait de vacances. C'est pas très marrant non plus. Enfin, c'est encore moins marrant que toi parce que toi, c'était cool. T'as tabassé une meuf, donc. Donc bien ouais. Non, on rentrait de vacances et juste ma mère m'avait posé par terre juste le temps de rentrer sa valise. Et j'ai utilisé ce temps pour aller dans les escaliers en béton et tomber et m'éclater la tête par terre et perdre conscience. Ah oui, d'accord. Et évidemment c'est ma mère qui me le racontait parce que je me rappelle pas, mais elle me disait je te sentais devenir froid dans mes bras. Oh. Donc bon délire. Et voilà, il y a pas de chute drôle à cette histoire. Désolé. La chute, moi la chute je la vois. Bon, déjà, elle s'est faite dans les escaliers, déjà, bien sûr. Oui. Et aujourd'hui, il y a quoi? Il y a une rage de vaincre ici ce soir. À Rennes. Mon heure n'avait pas sonné. La mort est venue, il a dit: tu rentres chez toi, la mort. C'est ça. Parce qu'il écrivait une chanson de fauve à ce moment-là. Oui. Rentre chez toi, la mort, rentre chez toi. Elle s'est présentée à moi, j'ai dit non, merci. J'avais deux petites quand j'étais enfant, Vicos 8000. Il y avait en maternelle, je m'en souviens bien, je sortais avec une fille qui s'appelait Anaëlle, que j'embrasse. Mais tu sortais avec des filles en maternelle, grave. Anaëlle, maternelle. Ouais, on était fiancés, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. On était paxés. Et son père était gendarme à Coulommiers. Bien sûr. Et quand je voulais plus sortir avec elle, tu sais, à cette époque-là, toutes les demi-heures, tu sors plus. Bien sûr. Et pour que je reste, elle me disait mon père, il va te mettre en prison. mec, ça a marché. Ça, mais un traumatisme. Et je me souviens aller chez elle à la gendarmerie et j'avais peur que ça y est, je revenais plus, quoi. Ah putain. Hey, comme quoi, parce que je sais pas si vous avez vu, il y a une trend TikTok. Non. Où les gens, quand leurs enfants sont pas sages, mais leurs enfants vraiment en bas âge, ils ont un son où ils font semblant d'appeler la police et il y a une voix qui fait « Vous êtes bien à la police des enfants, nous allons arrêter » et genre leurs enfants chialent toutes les, et hurlent. Pour des raisons assez évidentes. Et tous les gens dans les commentaires genre « Putain, trop marrant, comment ils chialent et tout ». La preuve que c'est traumatisant de ouf, quoi. C'est horrible cette trend. Et un dernier, pardon. Pardonné, franchement. Mon grand frère aimait bien me faire croire plein de choses, comme tous les grands frères. Ah, et il me faisait une potion magique très Astérix à l'époque. Aïe, aïe, aïe. Et il mettait du coca avec du lait. Et c'est très bon. C'est très bon, déjà. Et il me faisait croire qu'en buvant ça, j'avais des super pouvoirs. Et évidemment, je lui mettais des patates, il tombait. Et moi, je disais... C'est mignon pour l'instant. Pour l'instant, c'est mignon. Aïe, aïe. Et après, une fois, il m'a fait une gourde comme ça, et il l'a remplie de citron, de jus de citron pur. Et ça m'a cramé l'œsophage. Ouais. Et j'hurlais, et ma mère ne savait pas ce qui se passait. Et du coup, elle a voulu m'emmener à un lavage d'estomac. Ah. Et heureusement, devant l'hôpital, la gorge est revenue. Et du coup, je fais, non, c'est bon, tout va bien, c'était juste du citron. Mais elle ne croyait pas, mon frère. Mais du coup, j'ai vraiment cru que j'allais avoir un lavage d'estomac gratos. Donc, voilà. Voilà, c'est deux trucs de grands frères aussi. Oui, c'est vrai que là, quand t'as parlé des grands frères, il y a beaucoup de trucs qui sont revenus. Bien sûr. Non, moi, je sais que mon grand frère, parce que moi, j'ai 6 ans de moins, donc j'étais vraiment un petit enfant où lui, il était déjà ado. Et c'était dans le grenier de chez mes grands-parents. Il y avait une espèce de mur, mais on pouvait se passer derrière le mur et on ne voyait pas. Et il s'était planqué et il faisait une petite voix où il disait « Ah, bonjour Adrien, c'est la petite souris !» J'étais un bébé, j'avais 5 ans. Et il disait « Salut, c'est la petite souris du grenier et tout !» Alors moi, je leur parlais, j'étais genre comme un fou. Je croyais vraiment qu'il y avait des souris qui me parlaient. Connard et, ouais. Pauvre con. J'étais pas zèbre à l'époque. C'est venu après. Et donc au début, j'étais genre, oh, salut les petites souris et tout. Et après, il a dit, oh là là, on va mourir, il faut que tu nous sauves et tout. Et je disais, mais comment je fais? Et il faisait, touche ton zizi. Et il faisait, non. Pardon. Et il faisait il jouait la mort de la souris. Moi, j'étais en larmes. C'est parce que j'étais impuissant, je pouvais pas sauver la souris. Il faisait, oh, on est en train de mourir. Et après, silence. Moi, j'étais juste en train de hurler de douleur. Et voilà, le genre de petit prank sympa qu'un grand frère peut faire. Quand on se rappelle après. Voilà. Oh, mon pauvre. Horrible. Ouais, je lui envoie un texto tout de suite. Moi, ma mère m'a surpris en train de me branler, moi. Ah, waouh. Mais ouais, avant-hier. Ouais. Le trauma. Moi, c'est fou, c'est mon frère, encore une fois, qui m'a surpris en me branler. En faisant la souris. Hey, dis donc, on est... Ok, on revit, mais arrête, s'il te plaît. Allez, ça n'arrangera rien. T'as besoin de te consoler, mais... Mollo, quand même. Non, parce que j'étais très petit. J'avais, genre, apparemment 5 ans. Dingue. Et t'as baisé à 9. Ouais. Et c'est pour ça que c'était genre... Je pense que je me suis branlé trop tôt. J'ai fait, non, bah, jamais je baisse, du coup. C'est hors de question. J'ai trouvé la clé. Non, c'était un soir où on allait recevoir des amis. Et c'était genre, elle était en stress. Et genre, ouais, faut te laver et tout. Vas-y, lave-toi tout seul. Et... Le petit sifflement d'Adrien, ouais, parce que moi, quand je le fais, c'est... Donc, voilà. Bah là, pour un gosse, c'est... Ouais, un gosse, c'est moins, voilà. Un petit sifflement, c'est mieux. Et le soir, apparemment, elle m'a raconté... Elle est rentrée, et vraiment, j'étais genre... Ah ben, t'as dit, je suis trop coquin pour arrêter. Ouais. Désolé. La baignoire avait un petit sourire. Ouais. La baignoire avait désolé. Et donc elle m'a fait un espèce de cours de, mais tu vois, c'était, je pense que c'est encore plus dur pour les prochaines générations où tu veux pas shamer. J'imagine tu vas dire non, oui. Tu peux, mais attention. Là c'était genre plus jamais. Tu fais, ouais. Ne touche pas. J'ai pas écouté. Ouais, ouais. Un véritable rebelle. Je fais ah ouais. Tu vas voir. Mais en tout cas, on voit qu'il y a deux teams quand notre mère nous laisse tout seul. Toi, tu te branles. Moi, je me fracasse la tête au sol. Un gars de 72 ans a été diagnostiqué comme la première personne au monde à avoir un certain trouble à son pénis. À votre avis, quel trouble? Trop grand. Il siffle. Trop, comment? Trop grand. Pas trop grand. T'as dit quoi? Il siffle. Une très bonne réponse d'Adrien Meignel. Car, pourquoi? C'est Adrien Méniel et il va nous... vu qu'apparemment on est au plus grand cabaret du monde, ouais. Vraiment. Attends. Il y a deux Suédois qui m'échauffent, mais... Je vous raconte un peu l'histoire de ce pauvre Américain. Un cauchemar s'est transformé en réalité pour un Américain originaire de l'État de l'Ohio qui a été alarmé par des bruits étranges provenant de ses parties génitales. L'homme, qui n'a pas voulu donner son nom, ça j'aime bien, ah bon, a entendu un bruit de sifflement. Le début de Winds of Change. Qu'est-ce qui se passe? C'est magnifique, mais d'où ça vient? Il a été diagnostiqué comme la première personne au monde à avoir un scrotum sifflant, qui est aussi un Pokémon de type O. J'allais dire un YouTuber, mais... Ouais, aussi un YouTuber, oui, c'est vrai. Selon un article publié dans la revue médicale American Journal of Case Reports, le cas de cet homme est encore plus mystérieux puisque les médecins n'ont pas réussi à identifier l'origine du flux d'air qui faisait chanter le scrotum de ce patient. Chanter le scrotum. Chanter le scrotum. Moi, je l'entends sur Tomber la chemise de Zebda. Ah oui, on va faire chantez-le. Chanter le scrotum. Oh, ça part en fest-nose ou quoi? Oh là là, Gwenadu, je sais pas. Bignou, non mais voilà, des trucs. Aman. Ça veut dire beurre. Putain, j'ai l'impression que t'es allé... J'ai l'impression que t'es allé sur le Google de Bretagne avant de venir. Le Google de Bretagne. Oui, les Wikipédia. Oui, oh là là, n'importe quoi. T'es allé sur le Google, toi? Ouais. Sur ton smartphone. Ouais. Voilà. La chanteuse Zazie. Oula. C'est un rapport avec le truc d'avant. Des gens ont ri. Un rire sur... a été contrainte de déménager plusieurs fois. À votre avis, pourquoi? Parce qu'elle fait trop de bruit. Alors? En chantant. Ah. Très bonne réponse de Morgane Cadignan. Ouais. Ah, je l'avais vu. Ah, tu l'avais lu? Moi, je pensais que c'était parce qu'il y a le rappeur Brulux à la télé qui a dit « Mais attends, moi, Zazie, c'est ma voisine, j'habite au 61, elle habite au 62, un truc comme ça. » Et donc, je pensais que, genre, il avait juste donné l'adresse de Zazie et qu'elle avait dû... Donc, pas du tout. Non, apparemment, elle est insupportable. Elle a sorti une chanson, « Let it shine », et elle raconte, parce qu'elle parle de ça dans sa chanson, « Tout est vrai dans cette chanson, j'ai déménagé il y a un an et j'ai redéménagé il y a moins d'un mois. » En effet, on retrouve des paroles telles que « C'est pas bientôt fini, tout ce boucan, ce vacarme, il y en a qui dorment la nuit, pas moi, pas moyen de m'arrêter. Ses voisins, excédés de l'entendre chanter et jouer de la musique sans cesse, auraient fini par défoncer sa porte d'entrée. » Ah, c'est... Wow. C'était toi, non? Ouais, c'est sa pote, c'est la pote à Morgane. Elle a volé mon vélo. La coach de The Voice a alors été contrainte de déménager, et pas qu'une fois. « J'ai fait une erreur, j'ai oublié que le problème du musicien dans une ville, c'est les voisins. » Oui. Tous les musiciens se font défoncer leur porte d'entrée. T'es richissime, achète une putain de maison et arrête de faire chier le monde. Elle pourrait acheter un château en Espagne. Oh, un hôtel rue de la Paix. J'en connais pas d'autres de chansons. Est-ce que vous avez déjà eu... Est-ce qu'elle leur a dit, écoutez, soyons zen. Une petite chanson de Zazie, non? Avec Axel Bauer, là. Ah oui, à ma place. Voilà. Mettez-vous à ma place. Voilà. Bon, elle est peut-être un poil à retardement, celle-là, je sais pas, je m'en rends pas compte. On va en faire encore 5-6. Continue. Est-ce que vous avez déjà eu des soucis avec vos voisins? Des gens qui... Alors, est-ce que vous étiez d'ailleurs plutôt team? Les gens sont des fois venus en me disant « Ah, pas trop de bruit, s'il vous plaît, vous êtes un peu bruyant. » Ou vous êtes plutôt du genre à aller voir les gens en disant « Excusez-moi, vous faites un peu de bruit. » Non, je pense que je suis pénible, moi. Je pense que c'est mon voisine relou, ouais. Toi, t'es voisine relou? Je fais du bruit. Tu fais beaucoup de bruit? Ouais, bah non, mais je marche pas discrètement. Enfin, j'ai une voisine... Ça va, tu vis ta vie. Oui, mais j'ai une voisine du dessous qui pensait que j'avais un chien. Ah. Et vraiment, elle croyait que j'avais un gros chien. Je fais, bah non, c'est moi. Ah, ça décharge. C'est moi qui marche, je n'ai pas de brillard. À sa décharge, tu aboyais. Exactement. Et je lui ai léché le visage. Ouais. Ah bah ouais, elle a envoyé la balle, elle l'a cachée derrière son dos, t'es allé la chercher. Exactement. Ridicule, Morgan. Et Adrien a essayé de m'enculer, donc vraiment, je crois que... Pardon. Enculade. C'est pour vous, la Bretagne. Voilà. Ouais. Bon, on fera pas mieux, Benjamin. Non, j'avais une vanne, mais là... Vas-y. Non, c'est fini. Je peux pas faire mieux que ça. Non, j'ai passé les 30 ans, donc je suis relou. Maintenant, voisin, quoi. Ouais, ça a des gens touchés. Mais pas trop. Enfin, comme c'est, j'ai un peu des voisins jeunes, j'essaie de faire cool. Et à minuit, une gueule. Et sinon, avant, j'avais une voisine que j'ai beaucoup fait chier, qui m'a détesté. Et genre, vraiment, je m'en suis voulu un soir où vraiment, je suis rentré à 3h du matin chez moi. Je me suis dit, petite musique. Allez, on est 6. Venez, on fait une petite musique. Et j'ai mis vraiment fort, mais au max. Et je m'en suis rendu compte le matin en me réveillant. Oh là là. Et je m'en suis un peu voulu. T'étais sobre à 100%, j'imagine. Tout à fait. Tout à fait. Et du coup, je suis allé gentil quand même. Je suis assez. Je suis encore reste une vicose. Et je suis allé déposer à tous mes voisins des chocolats le lendemain en victime de. Oh, pardon. Oh, non, non, mais attendez, ça attention. S'arrête pas là. Il avait pissé c'est dedans, malheureusement. Merde. Ouais, c'est que ma voisine du dessus s'est dit ah, c'est une victime, je vais me le faire. Et dès que j'invitais des copains à prendre l'apéro, c'est-à-dire que ça se finissait à 21h30, elle venait, elle faisait, à 21h, elle toquait à ma porte. C'est pas fini, là, vous allez arrêter? Non, mais on prend l'apéro. Ouais, mais que ça dure pas comme l'autre fois. C'était il y a 3 ans, hein. Et vraiment, et elle me le sortait à toutes les sauces. Mais parce pour, qu'elle adore le chocolat, peut-être. Bah, peut-être. Ouais, c'était peut-être. Juste ça. Voilà. Gourmande. Et c'est... Et quand elle s'est barrée, elle a eu le culot de venir me voir en me disant « Ouais, voilà, je déménage. Là, je suis là 2 jours, 2-3 jours. J'ai coupé Internet. Je peux avoir ton code Wi-Fi ?» Non. Voilà. Ouais. Une nouvelle vengeance. Le Batman. Elle était faible. Elle était un peu faible. Moi, j'ai eu le champion du monde des voisins atroces. C'est pire que le tien. C'est-à-dire que... C'est pas court. Non, mais moi, je suis vraiment... terrifié à l'idée de déranger les gens, donc je fais toujours hyper attention à pas faire de bruit, mais hyper sensible pour moi, mais ouais, un zèbre. Et le voisin du dessus était, alors il fallait savoir, dans c'était mon ancien immeuble où je vivais avec mon ex du coup, et en fait le son montait dans tout l'immeuble, c'est-à-dire quelqu'un au premier, on l'entendait au troisième, mais comme il était juste au-dessus de nous, il pensait que c'était nous. Alors que c'était... le mec, on entendait à, je sais pas, à 3h du mat, un bruit, mais comme si quelqu'un faisait tomber une boule de bowling par terre, tu vois. Et donc, on se disait, mais c'est fou, ce bruit qui nous réveille et tout. On se dit, est-ce que c'est pas lui qui tape, machin ? On a demandé à notre voisine de palier d'aller lui demander un peu, est-ce que tu pourrais voir avec lui ? Parce que nous, il nous déteste, parce qu'il est persuadé qu'on fait beaucoup de bruit. Et elle lui a demandé, ouais, on entend du bruit parfois, c'est vous ? Il a fait, oui, oui, c'est moi. Je tape des chaises, j'ai trouvé l'endroit où ça faisait le plus de bruit possible, et je prends une chaise et je la tape de toutes mes forces en pleine nuit, et il a dit ce mot terrifiant, il a dit « si je ne suis pas tranquille, personne ne le sera ». Donc tu peux craindre pour ta vie à ce moment-là, et on a découvert via cette voisine que en fait le mec avait un dossier sur nous, c'est-à-dire qu'il avait un document Word qui lui a transmis, imprimé. Non, il lui a envoyé par mail. Dédicacé, quand même, sympa. De 60 pages, où il écrivait sur nous. Il disait qu'à chaque fois, il appelait sa mère pour se plaindre de nous. Et donc, un mec extrêmement plus fort. Et un moment, dans ce blog, du coup, sur nous, il a dit « J'ai enfin trouvé d'où venait le bruit que font les voisins du dessous, car j'étais dans la rue et je regardais par leur fenêtre. » Normal, hein ? Bien sûr, tout le monde fait ça. Et j'ai vu le voisin, donc moi, qui repassait et qui ensuite prenait le fer à repasser et le tapait contre le faisait tomber lourdement, volontairement, sur la planche à repasser. Petit twist, je n'ai jamais possédé de planche à repasser, ni de fer à repasser. Donc voilà, une personne, voilà, ouais. Un malade. Un frais d'aurore de Squeezie, à mes yeux, ce qui vient de se passer. Glaçant. Wow, ouais, vraiment terrifiant. Une Britannique qui faisait la sieste avec le petit chien de sa fille a vécu un véritable enfer quand celui-ci s'est soudainement senti mal. Quand celle-ci, pardon, s'est soudainement senti mal. Que lui est-il arrivé ? Alors, essayons de faire deviner. Oh, je s'en prie, coup à bouche. Ah oui. Au-dessus, c'est bouche couche. Oui, bien sûr. Qui s'est senti mal, le chien ou la dame ? Alors, bah les deux. Les deux. Va les sacrer là. Ils étaient mal parce qu'ils étaient troublés. Peps, je regarde plus comme peps. Avant. Rappelez-vous que c'est le Floodcast, allez à l'essentiel. C'est une histoire de flatulence, un truc comme ça. Sur la bonne voie. On est. La chiasse, voilà. Sur l'autre. Voilà. Bah, ils sont noyés dans la chiasse, voilà. Un truc comme ça. Recule, descends d'un cran, mais une sorte de pédiluve de chiasse, pas loin. Ouais, bon, voilà. Calme-toi. Non, mais oui, il a eu la chiasse, mais il y a un petit détail. Elle dormait. La bouche ouverte. Je suis désolée. La petite mousse de lait, quoi. La petite moustache. Un Dirty Sanchez, quoi. Un petit latte. Un cappuccino, mais ils ont fait une petite feuille au lait dessus, comme ça. Cappuccino. Oh non. Non. Non, je vous en prie. C'est pas lui rendre service, franchement. Donc oui, un chihuahua lui a chié dans la bouche. Donc on est là-dedans. Voilà. C'est une bien désagréable mésaventure qu'a vécu Amanda Gomo. Un après-midi, j'adore à chaque fois. C'est comment elle s'appelle ? Amanda Gomo. Ah, ok. Ouais, ouais. Allez. Un après-midi, la Britannique de 51 ans a piqué un petit somme en compagnie de Belle, le chihuahua de sa fille. Qui a été rebaptisée, j'imagine, depuis. Ouais. Elle est infâme maintenant. Ce moment de douceur et de volupté a viré au cauchemar quand l'animal s'est soudainement senti mal, pris d'une violente diarrhée. Et là. Pour excuser ce pauvre petit chihuahua, alors qu'il était tenu en laisse. Donc il pouvait pas aller chier ailleurs. Après, si c'est, à moins que ce soit une laisse de 3 cm, je pense qu'il pouvait quand même s'éloigner ailleurs un peu dans plus la bouche, ouais, de la personne. Ouais, la pauvre bête n'a donc eu d'autre choix que de se soulager sur place, c'est-à-dire sur le visage d'Amanda. Elle avait le choix. Pour moi, elle avait le choix et elle a fait le choix de. Et elle a fait non, j'ai pas pu. J'ai pas pu. Pour ne rien arranger, c'est la petite souris, ça. Hein ? C'est la petite souris, ça. Merde, copie comique est de retour. Elle est vivante. Pour ne rien arranger, une partie de l'excrément a atterri tout droit dans la bouche de la Britannique. Oh, bah, on vous a pas spoilé, on vous a dit qu'il allait se passer ça à peu près, quand même. Ouais, vous aviez le temps de vous boucher les oreilles. Hein. Quelques heures plus tard, Amanda a commencé à présenter les mêmes symptômes que la petite chienne qui lui avait transmis son infection gastro-intestinale. Eh ben, c'est ça l'amour homme-bête, c'est ça. Oui. L'anglais, c'est ça ? Non, c'est pas ça ? Oui, bon, moi après, ça va repartir sur une enculade de chien, donc je dis rien. J'espère que. L'anglaise était si mal qu'au point qu'une ambulance a dû intervenir à son domicile. L'état de santé de la quinquagénaire ne s'est pas amélioré pour autant, elle a fini par être hospitalisée 48 heures plus tard. Je l'aime quand même toujours de tout mon cœur, a-t-elle dit. Ah, et ça, par contre. Oui. Ça, c'est l'amour. Hein. Ouais, ça, parce que moi, j'ai une ex, elle m'a chié dans la bouche. Pas possible de. T'es en tant consentement ? Hein ? Comme. Mais je ferais ça. C'est parti d'un human centipède à l'époque. C'est vrai. Je fais ça 2 ans. J'étais magasinier à Leclerc, human centipède, et après, je suis monté à la capitale. Je l'aime toujours de tout mon cœur, mais je ferai certainement plus attention à la position dans laquelle nous dormons à l'avenir. Ça me fait toujours rire, cette déclaration, parce que j'imagine un journaliste qui pose la question pour en venir là. Et donc, le futur, c'est quoi, Amanda? On dort comment maintenant? Bah, je vais faire attention, je pense. Ouais. Putain, fou, cette histoire. Un haut cadre de Beyond Meat, vous connaissez le Beyond Meat, c'est bien sûr. La viande végane. La viande, oui, voilà. A été suspendu mardi après avoir été suspendu de son travail, c'était vraiment un haut fonctionnaire, après avoir été arrêté par la police. À votre avis, pourquoi? Il a mis de la vraie viande. Non, je crois pas que ce soit. Oui, si, ça serait un crime, mais non, c'est pas ça. Un truc glauque, un peu. Vu le ton de l'émission, on a vu plus glauque. Ça a un rapport avec son travail? Non, pas du tout. Ah oui, non. Pas du tout. Il a chié en public? Non, alors il n'y a pas de merde. Okay. Zéro merde. Pas de merde. Zéro merde. Zéro merde jusqu'à 23h sur Skyrock. Non, zéro, il n'y a pas de merde. Je me lève. Du coup, il se casse. Non, zéro merde? Allez, ciao. Merde. Allez, terminé pour moi. À votre avis? Il est sorti de ses gonds dans la vie de tous les jours. C'est pas à son travail. Ah, il a déjà vous dire un câble, ça. Mec. Est-ce qu'il voulait un Mac Morning et on lui a dit. Oui, bien sûr. Après-midi, le Mac Morning, c'est fini. Voilà. Bien sûr. Il a frappé quelqu'un? Alors, un peu plus. Il a pas tué, mais il a frappé. Ça a un rapport avec un animal aussi? Non. Il a agressé quelqu'un. Verbalement quelqu'un en voiture? Non, mais c'était en voiture. Enfin, il est sorti de sa voiture et il a insulté quelqu'un. Un peu plus. Il a pété la bagnole de quelqu'un. Alors il y a eu ça aussi. D'un vegan qui faisait une manifestation. Alors non, ça serait mieux que l'histoire. Parce que vraiment là, pour le coup, il a juste agressé un gars qui a rien à voir avec son métier. Est-ce que Beyond Meat est un indice? Pas du tout. Ah, allez. Ah, pas du tout, pas du tout. D'accord. Non mais vous êtes prêts, je vais c'est l'accorder Rodrigue, à... Quoi. Hein, il s'est embrouillé avec quelqu'un, il est sorti, il a pris une batte de baseball dans son coffre, il a pété le rétro, il a pété, je sais pas, j'en sais rien. Non, arrête-moi. Foutu le feu. Non, mais je vais vous l'accorder. Prends les pneus. Il a fait un peu plus que ça, il a mordu le nez de son agresseur. Alors voilà, la question se pose, comment tu fais? J'arrive pas du tout à savoir. Genre, ah ouais? C'était un serpent ou pas du tout? Samedi, à la sortie d'un match de football américain, il s'est emporté dans un stationnement contre un autre automobiliste qui, en tentant de passer devant lui, a touché son pneu avant, selon un rapport de police. Et en même temps, ça rend pète des câbles. Quoi. Ouais, ça rend fou, je comprends. C'est pareil avec un cycliste. Dès que je vois un cycliste, moi, ça me. Je pète un câble. Tu le cartonnes, même s'il ne touche pas, en fait, même d'ailleurs. Il le cartonne à pied. Il le pousse comme ça. Sorti de sa voiture, M. Ramsey a d'abord frappé le pare-brise arrière de l'autre véhicule avant de se confronter physiquement à son conducteur. Selon la victime et un témoin, l'assaillant aura aussi menacé de le tuer. Il est poursuivi pour menace terroriste. Oula. Et, oui, menacé de le tuer vraiment en faisant exploser la voiture. Et coups et blessures volontaires, il a été relâché dimanche matin après avoir versé près de 11 000 euros de caution, selon un document des autorités locales. Est-ce que vous, chacun de votre côté, avez-vous déjà pété un câble un petit peu? Oh, oui, bah, oh. On va pas y revenir. Visiblement. Il y a deux histoires en une. Non, toi, Adrien, est-ce que tu t'es déjà... Non, pas à ce point-là, mais il y a... Merci de me... Non, mais y a, moi, il y a un truc très spécifique qui me... Parce que généralement, dans la vie de tous les jours, je suis plutôt, comment on appelle ça, lâche. Zen, soyons zen. La même team. Ouais. Mais il y a un truc qui m'énerve, avec le... qui fait que je m'embrouille avec les gens, c'est les automobilistes qui ne laissent pas les piétons traverser au passage piéton. Quand il n'y a pas de feu. Quand il n'y a pas de feu. Voilà. Là, normalement, ils doivent s'arrêter et vous connaissez le truc où ils essaient de mettre un petit coup de pression, genre ils ne ralentissent pas vraiment et tout. Ma meuf t'en veut beaucoup de ça, d'ailleurs, parce que j'ai adopté ton style de vie. Ouais, ouais. Le danger, que... tu veux dire. Le danger. Non, parce que c'est vrai que quand, il m'a... quand je fais, au début, je fais attention, Adrien, ils vont te percuter. Il fait, bah, il n'y a pas de feu. Donc, on c'est à eux de s'arrêter. C'est à eux de s'arrêter. Je fais, oh, mais ce ne serait pas le mec le plus cool du monde que je viens de rencontrer. Bien sûr que non. Je vais calquer ma vie sur ce mec. Moi, j'ai des coups de sang très souvent. Ouais. Mais ça fait encore phrase de mec qui met de la pierre d'Alain. Bon, là, c'est dès que je vois une injustice. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'en ai rien à foutre. Non, je me suis fait embrouiller une fois. J'avoue, j'ai utilisé une fois une trottinette. Bon, voilà, à Paris, trottinette électrique. Et elle avait plus de batterie, donc j'allais vraiment à trois, aussi vite que si je marchais. Et donc je cherchais. C'est toujours c'est toujours nul ce moment-là, parce que tu sais pas. Je la pose, je continue. Exactement. Donc je cherchais un endroit où la garer. Donc j'ai fait un petit bout sur le trottoir. Et il y a un yeuve qui se met devant moi. Et tu sais, moi je passe à droite, il va à droite. Enfin, il fait exprès de pas me laisser passer. Donc je fais, oula, il y a un souci. Il me fait. Vous voulez tuer quelqu'un là? Et vraiment, coup de sang fou. J'ai dit, non, je vais me garer. Je vais me garer et tout. Et il m'a embrouillé pendant une heure où j'ai fini par dire, mais vous avez toc toc le gars, oh. Ça, c'est mon max. Toujours. Ça l'a bien calmé, je pense. Ça l'a bien calmé, oui. Oh là, ouais. L'émission n'est pas terminée, bien sûr, je vous rassure. Et on va même faire encore plus fou. On va jouer avec quelqu'un du public. Alors. Oh, oui. Oh. Alors, évidemment. Ambiance sensuelle. Je suis trop coquin pour arrêter, pardon. Alors, bien sûr, on va essayer de trouver quelqu'un en juste milieu entre à l'aise sur scène et pas trop à l'aise sur scène, pas trop ivre-caisse. On va faire un jeu tout simple qui s'appelle Imite ta réponse. Imite ta réponse, vous connaissez le principe, je vais vous donner des définitions de célébrité. Je sais pas si c'est vraiment la bonne façon de le faire. Tu vas décrire des célébrités. Décrire des célébrités par des choses un peu cultes qu'elle a fait. Mais la réponse, vous ne devez pas juste me dire la réponse, vous devez imiter la réponse en disant le nom de la célébrité. Si je vous dis c'est le président qui mange des pommes, fait, ah, c'est Jacques Chirac, crac, crac, crac. Voilà. Ce genre de choses. Il faut donner la réponse avec la voix de la réponse. Donc, imite ta réponse. Corentin, comment vas-tu? Stressé. Je t'invite à parler dans le micro. Ouais. Voilà. Ouais, un peu stressé, mais ça va. Je vois ça, t'as pas parlé dans le micro. Donc j'ai vu que quand je t'ai désigné, il y avait du regret dans ton regard. Mais ouais, c'est... ouais, mais alors, je me dis, écoute, quitte à se faire fusiller, bon... Bah... Allez. Bon, t'inquiète pas. Ça va très bien se passer. Ça se joue à deux équipes, Corentin. Okay. Je t'invite à choisir ton partenaire, qu'il soit particulier ou non, parmi ces trois rôles. Moyenne d'âge, ça connard. Va. Hein, pas. Ouais, bah, oui. Connard. Bah, évidemment, une merde humaine, voilà ce que je suis. Donc voilà, je t'invite à choisir. Alors ne t'inquiète pas, hier, on a fait la même chose à Nantes. La personne a mis 25 minutes à se décider parce qu'elle avait peur de vexer des gens. C'était un poil long. Ce sont des artistes, ils seront vexés. Je suis nul. Donc, ouais. C'est nul, ouais. Ouais. Moi, je veux gagner, c'est... je suis pas la bonne personne. Arrête. Arrête, Benjamin. Ce serait bon temps de faire une équipe chauve, peut-être. Oh. Alors. Ouais. Ouais. Ok. Du coup, tu Et choisis qui Je n'ai pas compris. Toi. Ok. Enfin, je crois. Non ok, ouais, pas. Ouais, non, mais ouais. Ouais. Avec grand plaisir. C'est sincère. Tu te rends compte que quand tu dis avec plaisir, les gens hurlent de rire. Les gens ne me croient pas. Genre, ils éprouvent du plaisir. Non, qu'il est con. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ok. Ouais. On va commencer par des faciles. Il chante le petit bonhomme en mousse. Patrick Sébastien. Alors, c'est quand même Adrien. C'est entre Adrien et Morgane. Morgane, tu peux nous. Non. Je pense que c'est Adrien. Quand c'est en même temps, ça joue à la qualité, malheureusement. C'est les règles. Donc, faut le faire chacun son tour, c'est ça? Si Morgane veut pas, t'as le point du coup. Mais voilà. Oh, c'est Patrick Sébastien, c'est génial. J'aurais pas mieux. Bah oui, c'est un point pour Adrien. Un point pour Adrien. Attention. Merci. Oh. Elle forme un duo comique avec Dino. C'est Charlet. Oh, voilà. Ah oui, ah oui. Ah oui, seul à la voir, non c'est... Ah ouais. Bah moi je connais pas sa voix. Pas c'est Gaël Mektoub le mec. Oui mais ça marche, on l'a eu, on a vu ce qu'il voulait dire. De toute façon il n'y a qu'une réponse donc c'est forcément la bonne. Ouais c'est vrai, c'est vrai. Bien non mais l'imitation marchait. Moi je sais pas, vraiment je sais pas quelle voix là. Ok, c'est un animateur spécialiste de la famille royale. Bonjour, c'est Stéphane Bern. Oh pas du tout. Alors, c'est Stéphane Bern. Oh oui, mais elle a dit en premier, elle a dit en premier. Franchement, pour moi, le point va à Morgane parce qu'il y a eu un aplomb alors qu'il n'y avait rien. Ouais. Et ça, pour moi, c'est un point pour moi. C'est même, je vais vous dire. Oh, l'histoire de ma vie. C'est... Ouais. Je vais même vous dire, elle légalise. Pour moi, il y a deux points. Non, mais en plus, elle l'a dit, elle l'a dit avant, c'est le but du jeu. Mais bien avant même. C'est comme le jeu Splash, c'est-à-dire qu'il y a aussi la technique que je note. Là, il y avait une très belle technique. Oui, mais technique quand il y a égalité, mais là, elle l'a dit en premier. Magnifique. Je sais pas, moi, enfin, c'est pas moi l'arbitre après. De toute façon, tu gagneras le t-shirt quoi qu'il arrive, je te le dis. Ok, mais non, on va quand même. Allez, donne. Attention, il présente l'émission Click. Ah putain. T'es, c'est Mouloud Achour. Hein. Ah oui. Ah, va. T'es une belle âme. Merci. Et j'ai sa tête, alors vraiment, ça n'arrange pas les choses. Je suis un mix entre lui et Ibrahim Malouf. Donc, Et Freddy Gladieux, tout de même. Et Freddy Gladieux grâce à mon bouc. Voilà. C'est un hommage à Freddy Gladieux, évidemment. Attention. Il a commencé à la radio et maintenant joue dans Radio Star. Frérot, c'est Manu Payet. Gardos, ça, mon pote. Un peu gitan, j'aime bien. Parce que je sais pas. Un compas. Il joue dans Pédale Douce et Un Indien dans la Ville. C'est Ali Larmiette. Mais c'est pas jet, c'est Tim Cid, t'es bien. Salut, c'est Tim Cid. Il a eu le réflexe de la main à la Géraldin. Alors que je suis déjà chauve. Bien plus que lui. Gérald Daron a quand même deux imitations, ça et Dupontel, effectivement, avec la mèche devant. Oui, bien sûr. Et c'est la même voix. Avec la fameuse technique de dire salut, c'est le nom, et enfin, après tu pars. Salut, c'est Dupontel. C'est le principe du jeu, donc c'est parfait. Ouais. Mais cela dit, on faisait déjà un peu cette vanne sur Gérald Daron, on lui manquait un peu de respect, mais quand Clou a réussi à faire pire en mettant le visage d'un autre gars sur lui, il dit bah c'est bon, je l'imite, c'est un autre visage. Et l'accent du sud sur tous les Parisiens. Attention, il a chanté à bicyclette. C'est Fernandel. Non. C'est lui qui a raison. C'est à bicyclette, non ? Yves Montand, c'est la bicyclette. Attends. Non, à bicyclette. Faudra checker. Attendez, à bicyclette, c'est Yves Montand. Oui. Non, je crois que c'est la bicyclette Yves Montand et que Bourville c'est. Ah, j'ai pas dit Bourville, hein, mais j'ai dit Fernandel. Ah, ok, bon. Déjà, j'ai perdu. T'avais faux, du coup. Il a dit Timo in Shape, donc vraiment rien. Non, en vrai, je crois qu'on croit que la chanson de Yves Montand s'appelle A Bicyclette, mais je crois qu'elle s'appelle La Bicyclette. Et que A Bicyclette, c'est Bourville où il fait A Bicyclette. Oh, il nous en offre un gratos. Il y a quelqu'un qui a dit putain, c'est vrai. Putain, c'est vrai. Oh, l'enculé. Je vais vérifier. Non. Je vais vérifier, mais tu me connais pas depuis 8 ans. Mais non, mais on joue. Oui, y a des gens. Mais je suis un zèbre, t'as oublié. Ça va nous donner des points. Attention, il. Merci, il a checké, c'est ça. Peut-être un mensonge, mais merci. C'est un gars de Furax. Oui, c'est bon, vérifier. Ouais, avance. Un gars de la salle, oui. Y a le Uber dans 20 minutes, donc mène ton cul. Attention, il chante Casser la voix. Et c'est Patrick Bruel. Non. Pardon Morgane, ça ressemble à du bullying. Mais est-ce qu'on peut entendre Patrick Bruel? C'est juste pour nous départager. Hein, c'est pour départager, c'est en même temps. J'ai dit c'est Patrick Bruel. Ouais, bah, et Marge Simpson un peu également. Ouais. Non, mais pour moi, t'as le point, tu l'as dit avant. Pour moi, il y a le point. Et les gens voient pas et en plus, elle porte un slip. Donc c'est vraiment Patrick Bruel. Là, on est vraiment dans le truc. Quoi. Attention, il a marqué 2 buts contre le Brésil en 98. Salut, c'est Emmanuel Petit. Mais non, c'est pas Emmanuel Petit. C'est Zidane. C'est Zidane. Elle l'a fait très bas. Elle l'a fait à un point pour Morgan. Et attention, putain. Attention, ça égalise là. Aïe. Tu gagnes. Réveille-toi. T'auras le t-shirt. Ah ouais, bon, c'est vrai. Putain, mais tu lui as dit. Je spoil à chaque date. Et j'ai adoré à chacune, je crois. Mais écoute. Attention, elle chante La Vie en Rose. J'étais dans un cocon atroce. de. Merde. Excusez-moi, j'ai envie, de faire merde. J'ai envie de faire quelque chose, Rennes. C'est la dernière date. On va tous imiter Edith Piaf. Ok. En faisant Edith Piaf. En disant Edith Piaf. Edith Piaf. Attendez, je me fais quand même un petit. Parce que ça. Oui. Hein, après cette année de Covid qu'on a eue. Alors là, vraiment, tu peux éclairer la salle, s'il te plaît, Derek. Là, ça va être une pub pour la réouverture des salles, là. Voilà. Regardez. Eh, quoi? Pas essentiel? C'est ce qu'on va voir. Attention, 3, 2, 1. Edith Piaf. Bravo. Oh là là. Mon Dieu. Le podcast le plus cool de France d'après Flo Society. D'après Society. Quelle honte. Ils peuvent faire un démenti. Dans le prochain en disant pardon, on était à Rennes. Bien sûr que non. Un édito. Oui, non, on a merdé. Voilà, merci tout le monde. Merci. Au revoir, c'est des Floodcasts. Salut. Il s'agissait du Floodcast. Pardon.